Chapitre 14e, Beaupréau. Cependant, Fanny, à demi couchée dans le coupé de sa maîtresse, où par parenthèse, elle se trouvait fort bien et nullement déplacée, Fanny courait vers le faubourg du Temple et y arrivait vers 9 heures. La jeune fleuriste venait de rentrer. Elle était allée dîner avec Mademoiselle Jeanne et voir son nouveau domicile rue Mellet. Et comme elle avait perdu 3 grandes heures, Cerise avait allumé sa lampe, garni sa chaufferette, et elle s'était mise à l'ouvrage avec l'intention de veiller un peu. Léon était venu la voir dans la journée, lui apportant une lettre de son pays. Jacques, le contremaître, lequel lui annonçait qu'il avait trouvé un acquéreur pour son petit bien, et en même temps l'avisait de son prochain retour. Jacques allait revenir avec l'argent de Léon et ses papiers. On ferait tout de suite afficher les bancs, et dans 15 jours ou 3 semaines, dût-on racheter un banc à l'église, Cerise serait mariée. Cette pensée lui donna du cœur à l'ouvrage et Cerise se mit au travail en chantant son plus gai refrain. Ce fut peu après que Fanny parut. L'étonnement de la fleuriste fut grand à la vue de la femme de chambre de sa sœur lui arrivant à une heure aussi insolite. Et cet étonnement se changea subitement en consternation lorsqu'elle lui parcourut la lettre de Baccarat. « Mon Dieu ! S'écria-t-elle. Qu'est-il donc arrivé à Louise ?»« Je ne sais pas, » répondit Fanny, fidèle à son rôle. « Mais madame est désolée et comme folle. » Cerise se leva vivement, reposa sa table à ouvrage, mit en un clin d'œil un bonnet sur sa tête et un châle sur ses épaules et dit à Fanny « J'y vais, dites à ma sœur que j'y vais. » Fanny s'esquiva en courant, remonta dans le coupé et disparut. Cerise descendit rapidement derrière elle tout en relisant, à la lueur du quinquet fumeux qui éclairait l'escalier, l'étrange lettre de Baccarat. « Rue Serpente, numéro 19, » murmura-t-elle, « mais il y a une lieue d'ici et pas une minute à perdre. » Et Cerise, qui refusait de monter dans la calèche de sa sœur, courut à la station de voiture la plus voisine, se jeta dans un fiacre et donna l'adresse au cocher. Une demi-heure après, le fiacre s'arrêtait rue Serpente, à la porte de cette maison vermoulue, à 2 étages, et au volet toujours clos, qui lui donnait l'apparence d'un mauvais lieu, et dans laquelle nous avons vu Collard introduire le capitaine Williams à son arrivée de Londres. Le cœur de Cerise se serra à l'aspect lugubre de cette maison. Ce fut avec une horrible angoisse qu'elle souleva le marteau de la porte. Et lorsque cette porte eut tourné en grinçant sur ses gonds rouillés, et que la jeune fille eut aperçu devant elle une allée sombre, étroite, d'où s'échappait un air humide et nauséabond, il lui sembla qu'elle entrait dans un sépulcre. Elle avança en tâtonnant dans l'obscurité d'une voix émue et l'appela. « N'y a-t-il donc pas de concierge ?» Une lumière brilla alors en haut de cet escalier tournant, aux marches usées, qui avait pour rampe une corde graisseuse et Cerise, frissonnante, vit apparaître un hideux visage de vieille femme qui demanda d'une voix aigre. « Qui est là? Qui vient à cette heure ?»« Madame Coquelet ?» interrogea Cerise, toute tremblante. « C'est moi, » répondit la vieille. Cerise monta les marches glissantes de l'escalier, et s'arrêta indécise en présence de la vieille femme. « Madame, » dit-elle, « je viens au nom de ma sœur Louise. »« Louise, » fit Madame Coquelet, « quelle Louise ?» Cerise rougit et songea au surnom de sa sœur. « Baccarat, » dit-elle. « Ah !» dit la vieille, dont la voix parut se radoucir, et devint meilleure. « Entrez, ma petite, entrez !» Et Madame Coquelet ouvrit une porte sur le carré du premier étage et conduisit, à travers un corridor aussi sombre que l'allée, la jeune fille jusqu'à une chambre où elle la fit entrer. « Venez, ma petite, » disait la vieille d'un ton caressant, « venez par ici. » Et Cerise, émue et toujours frissonnante, suivait cette horrible femme vêtue d'une camisole de nuit, coiffée d'un bonnet à rubans d'un rouge criard, et portant par-dessus sa camisole un châle tartan à carreaux verts. La chambre où elle fit entrer Cerise ressemblait à la salle d'apparat d'un lieu suspect. Rideaux d'un rouge fané aux croisées, vieux divans dont les accros étaient dissimulés sous une housse au crochet, pendule noblet sur la cheminée entre 2 vases de fleurs, guéridon d'acajou plaqué, fauteuil en velours miroité et d'un ton verdâtre. Cerise embrassa d'un coup d'œil cet horrible mélange de pauvreté et de luxe honteux. Puis son regard se reporta sur Madame Coquelet, et la naïve enfant se demanda comment sa sœur, qui vivait au milieu d'un monde élégant, puis avoir des relations avec une pareille femme. « Entrez, ma petite, entrez !» répéta la fausse vieille, d'un ton caressant, qu'eût épouvanté une femme moins innocente que Cerise. Cerise obéit et demeura debout au milieu de la chambre rouge, continuant à regarder alternativement et avec un muet effroi cette pièce sombre d'aspect et cette mégère hideuse. « Ah ! » répéta celle-ci, « vous venez de la part de Baccara. »« C'est ma sœur, » murmura Cerise en rougissant. « Bien, bien, asseyez-vous, ma petite. »« Madame, » reprit Cerise, toujours émue, « ma sœur m'a écrit qu'il fallait que je vinsse vous voir, que moi seul, je pouvais la tirer de l'affreuse position où elle se trouve. »« C'est vrai, ma petite, c'est très vrai, mais asseyez-vous donc. » Madame Coquelet, en parlant ainsi, avait un mauvais sourire qui consterna Cerise, et lui fit penser qu'en effet Baccara était dans une situation terrible. « Mais, reprit la vieille femme, ce n'est pas moi. C'est une personne que nous attendons qui va vous causer de votre sœur, ma petite. Asseyez-vous là et attendez, ce ne sera pas long. La personne ne peut tarder. » Madame Coquelet posa le flambeau qu'elle tenait à la main sur la cheminée, entre l'un des vases de fleurs et la pendule, et avant que Cerise eut le temps de faire la moindre question, elle se retira et referma la porte sur elle. Tout interdite, la jeune fille demeura seule, jetant autour d'elle un regard douloureusement étonné. Ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait, tout jusqu'à la lettre de sa sœur, était de nature à la plonger dans une inexprimable angoisse. Cependant, elle s'assit sur le vieux divan à la housse au crochet d'un blanc douteux, et elle attendit, tressaillant au moindre bruit, et l'œil attaché sur la pendule, dont l'aiguille allait atteindre le chiffre 10. 10 minutes, un quart d'heure s'écoulèrent. Un silence profond régnait autour de Cerise, un silence au milieu duquel on eût entendu les pulsations du cœur de la pauvre enfant, que précipitait un vague et indicible effroi. Ses regards allaient de la pendule, qui mesure le temps écoulé, à la porte, que masquait un rideau rouge pareil à ceux de l'unique croisée qui faisait face à la cheminée. Et tandis qu'elle se perdait en conjectures sur ce malheur prêt à fondre sur sa pauvre sœur et qu'elle était chargée de conjurer, tandis qu'elle se demandait ce que pouvait être cette personne qu'elle attendait avec une anxieuse impatience, un bruit se fit derrière elle. Cerise se retourna et laissa échapper un cri de frayeur. Une porte recouverte du papier qui tendait les murs et qu'elle n'avait pas remarqué par conséquent venait de s'ouvrir à côté du divan pour livrer passage à un homme qu'à première vue Cerise ne reconnut pas. Il portait des lunettes bleues, mais au lieu d'un habit bleu comme ses lunettes, il avait une redingote noire boutonnée par-dessus un gilet blanc. C'était Monsieur de Beaupréau. Le chef de bureau ferma la porte et salua Cerise de la main. « Bonjour, cher enfant, » dit-il d'un ton dégagé, en ôtant cependant son chapeau et laissant voir son front chauve. Cerise, à la vue d'un homme, s'était levée avec vivacité et instinctivement, elle avait fait un pas en arrière. Mais l'apparence mûre et la calvitie de M. de Beaupréau la rassurèrent. « Bonjour, bonjour, ma chère enfant, » répéta-t-il, d'un ton paternel où perça néanmoins une légère émotion. « Monsieur, » fit Cerise en reculant d'un pas encore, souriant à la personne que j'attends. « Oui, c'est moi, ma belle enfant. » Et le chef de bureau prit la main de la jeune fille. « Asseyez-vous donc, » dit-il. Cerise retira sa main et demeura debout. « Ma sœur, » dit-elle, « ma sœur Baccara, une charmante fille. » « Presque aussi jolie que vous, » interrompit le chef de bureau, qui prit une attitude et un ton régence. « Ma sœur m'a écrit, » poursuivit Cerise. « Ah oui, je sais. » « Qu'elle était dans une situation critique. »« Très critique, ma belle enfant. » »« Et qu'il fallait que moi... » « Oui, » dit Monsieur de Beaupréau, « Baccara, en effet, compte beaucoup sur vous. »« Eh, mais, venez vous mettre là, près de moi. Nous allons causer de cela tout à l'heure. Vous fais-je peur ?»« Non, » balbutia Cerise, qui ne comprenait absolument rien aux paroles du chef de bureau et se laissait prendre cependant à son accent bonhomme. Et comme il s'agissait de sa sœur, que M. de Beaupréau était vieux et laid, et qu'en l'innocence de son cœur, la pauvre enfant était à 100 lieues de la sinistre vérité, Cerise obéit et s'assit à l'extrémité opposée du divan sur lequel le chef de bureau s'était laissé tomber lourdement. « Monsieur, » supplia-t-elle, d'une voix à attendrir un tigre, « si vous pouvez sauver ma propre sœur. » « Oui, sans doute, chère petite, mais causons de vous d'abord. »« De moi ?» fit Cerise abasourdie. « De vous ?» répéta M. de Beaupréau, qui prit la main de l'ouvrière et voulut la baiser galamment. Cerise retira sa main, et bien que ne soupçonnant rien encore, elle se recula vivement et comme obéissant à une vague terreur. « Voyons, » reprit-il se rapprochant d'elle, « regardez-moi bien, ne me reconnaissez-vous pas ?» Et il exposait, aux yeux de Cerise, son visage jaune et son front chauve aux clartés de la lampe placée sur la cheminée. Un souvenir traversa soudain l'esprit de Cerise. « Oui, oui, » dit-elle, « rue Bourbon-Villeneuve, sur le boulevard, jusqu'à ma porte. » Et cette fois, Cerise, devinant enfin, se leva précipitamment et voulut fuir. Mais elle songea à Baccarat. Et soudain, elle se dit qu'un homme qui s'était attaché à ses pas l'avait suivi peut-être à cause de sa sœur pour lui parler d'elle, et elle resta debout, attendant encore. Monsieur de Beaupréau demeura assis et reprit. « Ma chère enfant, je vous semble peut-être un peu mûre, et le fait est que je n'ai plus 20 ans. Mais croyez-le, je suis un homme comme il faut, très comme il faut même, et je saurai me conduire honorablement. » Cerise se méprit encore au sens de ses paroles et leva sur lui un timide regard. « Oui, » continua le chef de bureau, « j'ai une assez belle position et je puis beaucoup. Voyons, que vous semblerait d'un joli entresol rue Blanche ou rue Saint-Lazare? 1000 francs de loyer, une bonne, 500 francs par mois et 100 louis pour votre toilette. « Monsieur !» s'écria Cerise, suffoquée d'indignation et comprenant enfin. Et alors la pauvre fille devina tout, tout jusqu'à l'infamie de sa sœur. Et elle courut éperdue vers la porte pour fuir, mais la porte était fermée. En même temps, M. de Beaupréau se leva et alla vers elle, lui prit la taille et voulut l'embrasser. Mais Cerise se dégagea et poussa un cri terrible. « Misérable ! Au secours » murmura-t-elle d'une voix étouffée. Mais M. de Beaupréau répondit par un éclat de rire. « Allons donc, petite, ne soyez donc point méchante et farouche comme ça. Je tiendrai parole et pour preuve. » Il voulut l'enlacer. Mais Cerise, à qui le désespoir donnait de la présence d'esprit et des forces, Cerise le repoussa, glissa hors de ses bras avec la souplesse d'une couleuvre et fit un bond en arrière jusqu'à la cheminée où elle s'arma de l'un des flambeaux, qui était en zinc argenté et dont elle se fit une arme. L'attitude résolue de la jeune fille arrêta un moment M. de Beaupréau qui hésita à la poursuivre. Mais il se souvint que Mme Coquelet, dans les mains charnues de laquelle il avait glissé 5 louis il y avait 10 minutes, lui avait dit en souriant « Je suis toute seule dans la maison. Et je suis sourde comme un pot de grès. Si la petite criait, il faudrait ne pas avoir peur. On assassinerait ici que je n'entendrais pas. » Et M. de Beaupréau, enhardi, voulut de nouveau s'élancer vers Cerise qui continuait à appeler au secours. Mais soudain, la porte masquée auprès du divan fut brusquement ouverte et un homme apparut qui fit jeter un cri de joie à la jeune fille éperdue et reculer d'un pas, le séducteur ainsi troublé dans son horrible tentative. À la vue de cet homme, qu'elle ne connaissait pas cependant, Cerise devina que la Providence lui envoyait un libérateur. En même temps, M. de Beaupréau murmura avec stupeur « Sir Williams ». C'était en effet le baronnet Sir Williams, dans les plans ténébreux duquel il était entré, d'interrompre M. de Beaupréau dans l'accomplissement de son crime, qui venait d'apparaître, tête nue, un pistolet à la main, sur le sol de cette chambre où Cerise s'était cru perdue. Le baronnet Sir Williams, qui la veille, avait été présenté au chef de bureau dans le ministère des Affaires étrangères et ayant eu l'honneur de faire danser 2 fois Mademoiselle Hermine, la fiancée de M. Fernand Rocher. La vue de cet homme rencontré au grand soleil du monde, qui connaissait sa haute position, ses fonctions administratives et qui le surprenait ainsi, se livrant aux brutalités d'un soudard, violentant une jeune fille sans défense, produisit sur M. de Beaupréau la stupeur qu'il aurait éprouvée à l'aspect de la tête de Méduse. Il recula frissonnant et pâle devant Williams, qu'elle vers Cerise et lui dit « Ne craignez rien, mademoiselle, le ciel vous envoie un protecteur et vous serez respectée par ce misérable. » En même temps, Williams s'appela « Collard ! Collard !» La porte principale, celle par où Cerise était entrée, s'ouvrit alors et Cerise vit apparaître Collard, l'âme damnée de Williams, Collard, le nouvel ami de Léon, et à sa vue, Cerise jeta un cri de joie et se précipita vers lui comme un enfant vers sa mère. « Tu vas reconduire, mademoiselle, » lui dit Williams, « et s'il lui arrivait quelque chose ?»« Tonnerre et sang !» s'écria Collard qui feignit une surprise profonde. « C'est mademoiselle Cerise ? On ne nous avait donc pas trompés ?» Et il entraîna la jeune fille sans lui donner l'explication de ses étranges paroles, tandis que Williams demeurait seul en présence de M. de Beaupréau. Cerise, cependant, toute tremblante encore, mais confiante en l'ami de son fiancé, sortait de cette honteuse maison où elle avait failli être victime de la brutalité de ce vieillard en délire, et elle pressait les mains de Collard en murmurant « Merci, merci ».